cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi man wala hamma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, ladhatu man tamassaka bid-din. Fi darsina al-akhir, on a lu ensemble le chapitre sur hal al-mu'min wa ghayr al-mu'min fi mu'asharat al-khalq. Et al-hasil, le résumé, celui qui apprend son din, qui met en application son din, le Coran ou le Sunnah, il donnera à chacun son haq. Que ce soit un raïs, quelqu'un qui a une responsabilité sur lui, qui est responsable, que ce soit Ri'as al-Kubra, le gouverneur, le roi, le président, ou le père ou le mari pour la femme, il a akhiré. Mais quelqu'un qui est au-dessus de lui, il a une responsabilité sur lui, il lui donnera son haq. Min ta'a wa nasiha. L'obéissance, le conseil, la patience, il a. Kedalik, si quelqu'un est en dessous de lui, c'est lui qui est responsable. Mathalan, il est responsable de sa femme, il est responsable de ses enfants, il a akhiré. Le gouverneur, il est responsable de son peuple. Fakedalik, il leur donnera leur haq. La douceur, la sagesse, l'ikram, la patience, l'afou, le pardon, il a akhiré. كذلك si c'est واحد il a le même statut que lui نظير من تعاون ونصيحة والصبر etc. Le درس qu'on a vu précédemment. هذا كما قال الشيخ سعدي la dernière phrase تذكرون قال فقد تبين لك أن السعادة واللذة الحقيقية بجميع أنواعها تابعة للدين. Tout ça c'est fondé sur الدين. الدين il est fondé sur العلم. Obligé de faire des efforts fil ilm, d'avoir des connaissances pour mettre en application. Et cette application, ça sera la source de ton bonheur, inshallah. Fi dunya qabla al-akhirah. Thumma, qala ladhatu man tamassaka bid-din. Et celui qui s'accroche à son din, il sera heureux. Al-ladha, c'est le goût, la saveur. Je dis cette chose, ce plat, il est ladhid, et il est bon. Il y a un bon goût. Enfin, cette saveur, tu pourras la trouver, et ce bonheur, que fidi. Pas indel le kufa, pas chez les ennemis de l'islam. Comment espérer trouver le bonheur chez un qawm qui déteste Allah Azza wa Jalla, qui déteste son dîn, qui déteste son prophète, alayhi salatu wasalam, qui déteste son livre. Ils se moquent. À chaque fois qu'ils peuvent rabaisser hadd al-din, ils essayent. Et ils n'arriveront pas. Les nadin Allah subhanahu wa ta'ala, il est ali. Enfin, c'est pour ça que le musulman, fil haqiqa, il peut pas espérer le bonheur inda haoula. Bel muslim, qawi ul iman, celui qui a une foi forte, il peut pas vivre ma haoula. Est-ce que tu peux accueillir chez toi ton ennemi? Abadan. Matalan wahad, il déteste tes enfants. Il déteste ta femme. Il déteste tes parents. Et tu l'accueilles et tu es murtah avec lui. Tu es à l'aise avec lui. C'est impossible. Il déteste tout le monde, tout ton entourage. Et il déteste tes principes. Enfin, tu vas le détester, c'est normal. Si on fait l'inverse, est-ce que tu peux aller chez Hada, maintenant tu es un voisin. Il déteste din al-islam. Il te déteste toi, il déteste tes enfants. Il a akhiré. Est-ce que tu vas aller chez lui et comme si de rien n'était? Abadan. Même si tu vas, il y a une hajja pour bab al-da'wa ou autre chose. Et au fond de toi, tu les détestes. C'est un kafir billahi azza wa jalla. Comment vivre dans une terre avec haoula? Haqiqa, celui qui a un iman qawi, c'est pas possible. Et plus l'iman il est faible, plus l'insan il a du mal à se séparer de haoula. Illa wa illa wa. Haqiqa, celui qui a compris son din, qui met en application son din, il pourra pas. On a déjà cité ensemble l'imam Ahmed rahimahullah, quand il passait devant un chrétien, il baissait, il tournait le regard alayhi rahmatullah. L'imam, quand ils lui ont posé la question pourquoi dès qu'il voyait un chrétien rahimahullah, il détournait, il voulait pas le regarder. L'imam Ahmed rahimahullah qala bima'na kalami annahu, il peut pas regarder une personne qui ment sur Allah et qui prétend que Isa c'est le fils d'Allah, il peut pas le regarder. Un tas, mettons, واحد, il déteste tes parents. Il les insulte, il leur fait du mal. Est-ce que tu peux le regarder? Tu le vois, tu le détesteras. Ah, c'est très très important. Donc, le bonheur, il est vimada, fit tamassouk bid-din. et dans le suivi de notre prophète alayhi salatu wassalam. قال وعلم يا أخي أن الدين نوعان. C'est une faïda huna, أن الدين. Tu as deux catégories. أحدهما أعمال وأحوال وأخلاق دينية ودنيوية. La première partie, le din, tu peux le diviser en deux, notre din. La première partie, c'est les œuvres, les actes. Que ça soit salat, que ça soit siyam, que ça soit le hajj, que ça soit les bons comportements, il a akhri. La deuxième partie, au qabla hada, qal wa kama dhakarna annahu la sabila ila husul al hayati tayyiba illa bid din. Et vous vous rappelez, c'est les chapitres qu'il a détaillés sur le bon comportement, il a akhri. والثاني علوم ومعارف نافعة. Deuxième partie, العلم. Notre دين il est fondé sur العلم والعمل. فلهذا قال عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله. فعلم c'est العلم, لا إله إلا الله c'est parole et acte. C'est pour ça que العلماء يقولون أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. C'est ça le dîn. C'est des paroles, des croyances et des actes. Donc, la boudia, ilm et amal, les deux, ça va ensemble. Wa taqaddam ma'ana, anna al-yahoud, ils avaient du ilm, ils savaient le haq. Ils n'ont pas appliqué, ils se sont égarés. Ghayr al-maghdoub alayhim. Al-maghdoub alayhim, c'est celui qui a des connaissances et il ne met pas en application. Wa al-dallin. C'est ceux qui font sans ilm. Ils ont la deuxième partie, ils n'ont pas la première. Les autres, ils ont la première, ils n'ont pas la deuxième. Celui qui veut sa'ad et qui veut vraiment s'accrocher à son dîner et avancer, il néglige pas les deux. Ilmun wa amal. Il apprend pour appliquer. Amma appliquer sans ilm, c'est grave. Apprendre sans appliquer, c'est grave. Qala wa hiya ulum ash-shar' wa ad-din. La première catégorie, Il l'a expliqué, rahimahullah, dans cette risale. Quand il a démontré, pour être heureux, les bons comportements, les actes, il a akhiré. Dans ce dernier chapitre, ou l'avant-dernier chapitre, et kadalik dans le dernier, il va expliquer la deuxième catégorie, tout ce qui est lié à la science, ou ilm. Qala wa hiya ulumu shur' wa ad-din, wa ma yu'inu alayha, wa yutawassalu ilayha bih. Et ça, c'est une remarque importante. Li'anna al-ba'd. Il pense que l'ilm, c'est chaque science. Là, l'ilm qui est cité dans le Coran et le Sunnah, il a des profits bénéfiques et c'est une ibad azima, c'est l'ilm, al-shar' wa ad-din, le Coran et le Sunnah. Et bien sûr, tout ce qui aide à comprendre le Coran et le Sunnah. Mathalan la langue arabe, mathalan l'ilm al-usul, mathalan l'ilm al-mustalah. Ça, c'est des ulum. Même certains koufars, ils les apprennent, ils l'akhirent. Lakin, si toi tu les apprends en tant que musulman, pour t'aider à comprendre ton dîn, c'est une ibadah et c'est un ilm nafi'. Donc, bien comprendre ça. Al-Bad, il pense que, quand ils lisent des textes sur fadl al-ilm, ils l'akhirent, ils pensent que ça concerne même ilm dunya avec des muharramat. Mathalan, ils étudient dans l'université. Des ulum, c'est des sciences dans les langues et la akhira, lakin la mixité. Ils font pas salat à l'heure. Thumma, il veut te montrer, c'est du ilm et Allah, il aime l'ilm et nous on fait des efforts pour l'ilm. Là, ça c'est min al-inhiraf. C'est min al-inhiraf, c'est du ilm, il y a de la mixité et tu fais pas salat à l'heure. Il te sert à quoi ce ilm? Même salat qui est une des plus grandes obligations, t'arrives pas à la faire à l'heure, à cause de ce ilm, c'est plus du ilm. Il t'écarte de ta salat, c'est une fitna. Donc العلم النافع القرآن والسنة على فهم السلف قال فالاشتغال بها من أجل العبادات وحصول ثمرتها من أكمل اللذات ولا يشبهه شيء من اللذات الدنيوية. الاشتغال بهذا العلم أي ton occupation principale c'est ce علم. Si c'est ton cas, tu es dans une ni'ma عظيمة كما قال وحصول ثمرتها من أكمل اللذات. نعم, tu vas ressentir un goût, une saveur, une raha, une tranquillité que personne ne connaîtra sauf ceux qui sont comme toi. فلهذا قال ولا يشبه شيء من اللذات الدنيوية. Et c'est incomparable avec les plaisirs de الدنيا. بعض الناس يبخن du plaisir avec certaines nourritures, avec des sorties, avec des vêtements, avec c'est incomparable avec le bonheur que l'alim ou talib al-ilm il ressent quand il étudie. C'est incomparable. On doit faire des efforts. Pourquoi Cheikh Saadi cite ce passage? On revient à un conseil wahed qui a été attiré par les kuffars et il recherchait quoi? Le bonheur, la tranquillité, il a acquéré. Ces derniers chapitres, il lui montre, après avoir montré que le bonheur c'était dans le fait de s'accrocher au din, appliquer son din, le bon comportement, il a acquéré. Il conclut avec l'ilm. Et si tu veux être heureux, ne pense pas que le bonheur il est chez les kuffars. Fais des efforts fil l'ilm. Cheikh l'Islam, rahimahullah, il s'est retrouvé emprisonné, injustement. Lakin il avait l'ilm. Il était heureux jusqu'à sa mort. Ben, il a fait beaucoup d'efforts. Et c'était une ni'ma, fil haqiqa. Il y en a peut-être que dehors, tu es occupé par certaines choses. Il s'est retrouvé seul dans sa cellule et il a écrit beaucoup de livres. Les livres, on ne dit pas des musulmans qui en profitent, faqad, des savants qui en profitent. Chaque savant, il profite des livres de Cheikh l'Islam. Et beaucoup de ces livres, ils ont été écrits dans sa cellule, rahmatullah alayhi. Limada, il avait cette chose, ma'a. Et cette chose, on ne peut pas te l'enlever. Même on t'enferme, même on t'expulse, même on... c'est dans ton cœur, l'ilm. Des choses apprises, par cœur, mémorisées, des choses que tu as lues. Alhamdulillah, personne ne peut te les enlever. Même si te tue, fabi'idnillahi azzawajal, si c'est fisabilillah, tu espéreras le martyr al-shahada et tu seras à la khay. Enfin, c'est ça qu'on doit chercher. Même l'argent. L'argent, ça part. L'argent, Obama, c'est dépensé dans quelque chose de haram, Obama, ça t'écarte de ton team. C'est pas ça qu'on doit rechercher. Là, l'argent, c'est quelque chose qui suit. Tu en as besoin, tu le prends comme cause, ça s'arrête là. Amma hadha al-ilm, c'est la base du bonheur. Qala wa'tabir dhalik bihal ar-raghibin fi al-ilm tajid akthar awqatihim masrufatan fi tahsil al-ilm ar-raghibin. Ça vient de raghba. Et ceux qui veulent hadha al-ilm, tu trouveras que la plupart de leur temps c'est sur l'ilm. Limada? Lianna khalas, ils ont goûté. Ils ont goûté aux livres, ils ont goûté aux assises de science, ils ont goûté à la mouraja, ils ont goûté au hifd, ils ont goûté aux fruits. Enfin, ils ne peuvent plus s'en passer. Qala, fayamdi al-waqt at-tawil wa sahibuhu mustaghriqun fihi yatamanna imtidad az-zaman. Sahih. Tellement qu'il prend du goût via hadha al-ilm, il espère avoir plus de temps. Maintenant, sa journée ne lui suffit pas. Arrivé à un moment, il doit manger, il doit dormir, il est fatigué. Il aurait espéré que la journée dure plus pour profiter plus. Lakin qadr Allah. Le lendemain, il refait des efforts. Qala wa hadha unwan al-ladha. Celui qui ressent hadha par rapport au ilm, c'est ça al-ladha. Il arrive à sentir le goût. Maintenant, le dars, il ne veut pas que ça se finisse. La journée, matalan, il a fait des efforts, il lit, matalan, et c'est l'heure de dormir, ou il doit faire quelque chose, et il espère que ça aurait été plus long. Fahada khalas. Il commence à goûter au ilm. Et ba'dun nas, ayyadan billah, ils ont cette ladha fi ghayr al-ilm. Matalan, dans le sport. Matalan, dans les sorties. Mais il espère que ça dure, et il est content, il arrive, quand ça s'arrête, ça le rend triste. Fahada khalas. C'est devenu une passion, et c'est très très grave. Qala. فإن المشتاق يقصر عنده الوقت الطويل ومن ضاق صدره بشيء يطول عليه الوقت القصير صحيح اي il pourrait avoir plus de temps, il aurait plus de temps. مثلا la journée c'est 24 heures, il pourrait avoir plus, il l'aurait fait, لكن il peut pas. تاملوا حال هؤلاء, ان le temps pour eux devient قصير, le temps il devient très très court. تامل هؤلاء avec الفراغ, ceux qui n'ont rien à faire. Et عياذا بالله بعضهم leur envie, ils pensent, ils veulent tuer le temps. Ils n'ont rien à faire. Ayyadam billah. Amma al-alim wa talib al-ilm abadan. Le temps, c'est une ni'ma. Imma il est fi hifd, imma il est fi muraja'a, imma il est fi bahth, imma il est fi mutala'a. Imma lecture, imma apprentissage par cœur, imma dans un dars. Et le temps, il est court. Khassatan, il doit aller au masjid faire les salawat, il doit s'occuper de sa famille. Il ressent que le temps, il est court. Tu trouves, ba'd an-nas, ayyadam billah, min abna al-muslimin lil-asaf. Et ils sortent la journée, mathalan le matin ou l'après-midi, et ils n'ont rien à faire. Ils ont des heures devant eux. Hatta al-ba'd, ils disent, il faut qu'on trouve quelque chose, on passe le temps. Wa'aduhum, iyadam billah, ils font hadha fi Ramadan. Et ça, c'est une musiba. Ramadan, c'est un moment bénéfique, il y a de la baraka. Les madhali, c'est un shahr mubarak. C'est pas moi comme les autres. Il y a de la baraka, les hasanat elles sont multipliées avec siyam ila akhir. Enfin, normalement, on doit faire plus d'efforts. Imam lecture du Coran, quand on est fatigué, si t'es fatigué, enfin, écoute-le. Alhamdulillah, avec nos téléphones, c'est très très facile, écoute du Coran. Aussi, si tu es fatigué, tu passes à un autre livre, tu lis des biographies, mouhim, tu fais du khayr. Tu trouves, haoula, vu Ramadan, kathir minhum, il se lève très très tard, à l'heure du dhuhr, mathalem. Thumma l'après-midi, il faut qu'il tue le temps. Pour que le maghrib, l'heure du maghrib, elle arrive vite et il mange. Est-ce que hada, c'est le but du siyam? C'est très très grave. Ça vous montre la différence. Pourtant, les deux, ils ont 24 heures. Le savant, l'étudiant en science, il a 24 heures dans sa journée. Et cette catégorie qu'on vient de citer, ils ont 24 heures. Lakin, le cœur, c'est pas le même. Le premier cœur, le cœur du savant et de l'étudiant, ils savent c'est quoi l'importance du temps. Et ils savent l'utiliser. Et l'autre catégorie, leur cœur, il est malade. Le temps, ils savent plus c'est quoi la valeur du temps. Enfin, iyadam billah, ils le perdent. Fi al-haram. قال وذلك أن صاحب العلم في كل وقت مستفيد علوما يزداد بها إيمانه وتكمل بها أخلاقه والمتصفح للكتب النافعة لا يزال يعرض على ذهنه عقول الأولين والآخرين ومعارفهم وأحوالهم الحميدة وضدها مستفيد علوما يزداد بها إيمانه هكذا صاحب العلم. Et ça, pour atteindre ce niveau, il faut être organisé. Al-Malbaad, ils veulent faire des efforts fil ilm, lakin ils n'avancent pas. On revient au doros qu'on a fait sur Al-Manhajiyya. L'anahad al-ilm, il faut une façon. Hatta tu avanceras. Tu vas sentir que jour après jour, tu avances. Dans la mémorisation, matalan, aujourd'hui, tu as appris une page de Coran, tu as appris 5 hadiths. Dans les doros, aujourd'hui, matalan, alhamdulillah, on a fini ce dors, on va finir peut-être cette risala. Tu sens que tu avances, tu es organisé. Amma, un jour, tu lis Sharh Matalan, cette risala, tu lis la première page, Thumma tu poses. Deuxième jour, tu lis un autre livre, Thumma tu poses, wa hakada takhabbut, c'est pas la solution. Et Sheikh Saadi, rahimahullah, il a une risala, nafi'a fi hada. Adab al-mu'allim wal-muta'allim. Et on l'a lu ensemble, walillahi alhamd. Qala, wa takmulu biha akhlaqu. Kadhalik, ce ilm, c'est pour mettre en application. Ça se voit dans son comportement. Ça se voit dans ses œuvres. Tu le vois. C'est pour ça que quand tu t'assois avec un savant ou tu côtoies un savant, tu vois qu'il n'est pas comme les autres. C'est un être humain comme les autres, lakin tu le vois qu'il a des choses que les autres ils n'ont pas. C'est quoi? C'est les fruits de son ilm. Amma, faire des efforts dans l'ilm et rien changer dans son comportement, dans ses habitudes, farubama, ce ilm, cette science, ça devient une preuve contre l'insan. كذلك قال لا يزال يعرض على ذهنه عقول الأولين والآخرين ومعارفهم وأحوالهم الحميدة وضدها. Et ça c'est très très important. لأن celui qui fait des efforts في العلم, et on répète, علم القرآن والسنة على فهم السلف, tous les jours il va côtoyer Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, l'imam ibn al-Qayyim, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, قبلهما الإمام أحمد الإمام مالك الإمام الأوزاعي الإمام الشافعي الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر عمر إلى آخره le prophète صلى الله عليه وسلم il va lire كلام الله عز وجل tous les jours il est dans cette ambiance فلا شك que ça va le toucher لا شك que ça va le changer لماذا قال لا يزال يعرض على ذهنه عقول الأولين والآخرين et ça c'est très très important pour avancer في الدين لأن si tu vois et tu connais les efforts que Ibn Taymiyyah il faisait. Wa qablahu a'immat as-salaf, l'imam al-Bukhari wa l'imam Shu'ba wa l'imam Sufyan al-Thawri, ha'oula as-sahaba radiyallahu anhum, ça va te remettre en place. Tu vas voir que on est des du'afa. Dans l'ilm, dans l'amal, on a des faiblesses énormes. Et kadhalik, ça va te permettre de les prendre comme modèle et faire des efforts pour les ressembler. Tu vas avancer dans ton deen. Amma, si tu n'as pas de ilm, tu ne fais pas des efforts dans l'ilm, peut-être que tu vas aller au masjid un jour, tu vas faire les 5 salat à l'heure au masjid, iyadam billah, l'orgueil elle va rentrer, peut-être que tu vas commencer à critiquer ceux qui ne viennent pas, injustement. Au lieu de les conseiller, leur montrer le khayr, là, les prendre de haut avec orgueil et se moquer, iyadam billah. L'imada, il ne connaît rien de son din. Il oublie, il y en a, le fait qu'il arrive à faire des efforts, c'est bi idnillahi azza wa jal. Tu n'as pas à te moquer des autres. Là, tu leur montres. بحق وبعلم وبرفق قال ففي ذلك معتبر لأولي الألباب فكم من قصة تمر عليك في الكتب تكتسب بها عقلا جديدا. صحيح. Tu vas lire des histoires في القرآن الكريم. L'histoire de Moussa عليه الصلاة والسلام, l'histoire de Ibrahim, l'histoire de Nuh, l'histoire de notre prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام جميعا. Ça va te faire monter l'Iman et tu vas avancer. فلهذا قال تكتسب بها عقلا جديدا. Et de l'expérience en plus, tu vas faire monter ton iman, ta raison, elle va profiter. Et tu ne seras plus le même homme jour après jour. Hakada l'histoire des salafs, l'histoire des sahaba, ila akhiri, tu vas profiter jiddan. Falihada, étudie qasas al-anbiya wa sirat al-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa sirat salaf al-salihin. C'est muhim jiddan pour talib al-ilm. C'est très très important. Lianna, tu vas avoir des fawaïd dans l'ilm, dans l'amal, dans le comportement, dans beaucoup de choses. قال et inshallah on étudiera قريباً ensemble ما دي après cette risale après Ramadan أظن on étudiera ensemble قصص الأنبياء de Cheikh Saadi رحمه الله. Il a un livre, c'est le résumé de son tafsir. تعلمون أن Cheikh Saadi il a un tafsir et il a fait le résumé. On l'a acheté مع بعض الإخوة et ce résumé, il a cité un chapitre et l'ont imprimé fil haqiqa à part. Et l'histoire des prophètes de Cheikh Saadi, c'est dans ce livre. Et ce chapitre, il cite des versets du Coran al-Karim pour raconter l'histoire des prophètes. Il commence par Adam alayhi as-salatu salam et il finit par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite des fawaïd azim, l'histoire de Ibrahim quand il a été jeté dans le feu. Tu vas apprendre beaucoup de choses et ça va te profiter si tu es éprouvé. L'histoire de Youssouf quand il a été emprisonné. Tu vas profiter jiddan un jour, ça peut t'arriver. Tu as des problèmes, tu subis des injustices. L'histoire de Ayyub alayhi salatu salam quand il est tombé malade, des années. Enfin, tu vas profiter. Mais un jour tu tombes malade. Wa hakada tous les prophètes. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hijra, il a fait le jihad fi sabilillah. Tout ça tu vas profiter. Enfin, c'est très très important. Enfin, inshallah, on essaiera de faire ce livre ensemble. Et kadhalik, on essaiera de faire la biographie du prophète alayhi salatu wassalam inshallah petit à petit. Qala wa tusallik 'inda al-masa'ib bima jara 'ala al-fudala wa kayfa talaqawha bir-ridha wat-taslim wa ghtanamu al-ajr min al-'alim al-hakim. Tu vas profiter quoi? Des connaissances. Et كذلك كما قال tusallik 'inda al-masa'ib, si tu es touché par une épreuve, tu es tombé malade, en étudiant l'histoire, ce qui est arrivé à Ayyub alayhi salatu salam, ça va te réconforter. Annaka, tu n'as pas été éprouvé comme lui. Si tu as des problèmes avec la justice, tu as été accusé injustement, il a akhiré Obama, tu as été enfermé quelques jours, quelques mois, tu verras que l'épreuve de Youssouf alayhi salatu salam, elle était énorme, des années, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Si on t'a fait du mal, tu verras que ce n'est pas grand chose par rapport à ce qu'ils ont fait à Ibrahim. Ils l'ont jeté vers le nord alayhi salatu salam. Le prophète sallam, il a été contraint de quitter Mecca alayhi salatu salam. Enfin, tout ça, ça forge un homme. Maqil wa qal et perdre son temps dans des choses inutiles, ça fait que durcir le cœur. Qala wa ghtanamu al-ajr min al-alim al-hakim. Sahih. Kadhalik, ça va te permettre de, comme taqaddam dans les dours précédents, anna de tes épreuves, tu vas réussir à tirer des hasanat en prenant comme modèle haoula al-akhyar. Qal wa al-ilm يعرفك طرقا تدرك بها المطالب وتدفع بها المكاره والمضار. صحيح. Avec l'ilm, ça va te permettre de connaître ce qui est utile pour toi, ce qui est profitable pour toi. Et كذلك, ça va te permettre de savoir ce qui est nuisible pour toi, ce qui te fera du mal. Alhamdulillah, ce qui est profitable, tu le mets en application. Ce qui te fait du mal, tu l'apprends pour t'en écarter. فالعلم c'est طريق الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به له طريقا الى الجنه. C'est le chemin de الجنة. فاعلم انه لا اله الا الله. Le pilier le plus important, il faut du ilm. Ama prononcer shahada et la contredire avec du shirk, c'est donc une utilité. La bud min ilm. On doit faire des efforts. Et on répète ان العلم pour avancer اولا il faut la sincérité. ثانيا il faut mettre ses efforts dans l'ilm nafi' al-Qur'an wa al-Sunnah. Thalithan, il faut un ordre, une méthodologie. Tu as besoin de la langue arabe, tu as besoin de connaître ta aqida, tu as besoin de connaître tawhid au départ. Enfin, tu fais des efforts dans la langue arabe, dans tawhid, dans l'aqida. Kadhalik, tu fais salat tous les jours, tu donnes du temps pour apprendre la salat, petit à petit. Al-ilm, il faut des sacrifices. Al-ilm, il faut voyager. Illa, celui qui a été favorisé, minallah subhanahu wa ta'ala, il y a un savant dans sa ville, ou un étudiant, un talib qui... il arrive à profiter ma'af, alhamdulillah. Wa illa akhil karim, n'attends pas que l'ilm vienne à ta porte. Là, sunnatul salaf anhum, ils voyageaient pour l'ilm. Bel, sunnatul anbiya. Et tu retireras de l'histoire de Moussa avec le Khadir ce point. Anna Moussa alayhi salallahu alayhi wa sallam, il a voyagé pour rencontrer le Khadir. Il connaissait des choses que Moussa, il ignorait. Wa hakada. Hakada, fa hada l'ilm, c'est une ni'ma. Et le but de ce ilm, c'est de mettre en application. Et hada l'ilm, il faut patienter. Si tu te consacres au ilm, tu seras éprouvé, comme ils ont été éprouvés, les salaf avant toi, les anbiya wa rasul, alayhim as-salatu wassalam. Thumma qal, wal-aqlu aqlan. Il a conclu cette risala avec ce chapitre. Al-aqlu aqlan. Al-aqlu, c'est la raison. Et la raison, tu en as deux. Et hada, c'est pour compléter le chapitre sur le ilm. Et vous allez voir, en lisant, ça va être clair. Wal-aqlu aqlan, aqlun gharizi. Al-aql al-gharizi, tu as été créé avec cette raison. Matalan, tu as tel niveau de compréhension, tu peux mémoriser telle chose. Tu as été créé hakada. Qal wa huwa ma wada'ahu Allah fil insan min quwwati adh-dhihn fi umur ad-din wa ad-dunya. C'est pour ça que tu trouves matalan, tu n'as pas besoin de faire des efforts pour ça. Ba'd al-ikhwa, ils ont plus de facilité à comprendre que d'autres. Allah, il leur a donné plus que d'autres dans ce point. Ba'd al-ikhwa, ils ont plus de facilité à mémoriser. Tu le trouves matalan en une heure. Il va réviser, il va apprendre une page de Coran, tu peux trouver un autre frère en une heure, il apprend qu'un verset, il peut pas plus. Ça, c'est quelque chose de gharizi, tu as été créé comme ça. Qala wa aqlun muktasab. Deuxième aql, il est muktasab. Hey, tu peux l'améliorer en faisant tes efforts. Qala idhan dhamma ila al-aql al-gharizi izdada sahibuhu hazman wa basiratan. Mathalan, si on garde l'exemple de la mémorisation, même si tu as des faiblesses dans la mémorisation, tu verras qu'en une heure, au départ, tu vas avoir du mal à apprendre un verset. Lakin, au bout d'un mois, deux mois, un an, tu verras que tu arriveras à apprendre la moitié de la page. Ou deux versets, ou trois versets. Le muhim, tu vas travailler cette mémorisation et elle va augmenter. Bi'idnillah. Qala fa kama anna al-aql al-gharizi yanmu bi numu al-insan hatta yablugha ashuddah. فكذلك العقل المكتسب له مادتان للنمو اي العقل الغريزي اي cette raison, cette compréhension avec laquelle tu as été créé, elle augmentera avec le temps. الانسان, plus il grandit, plus il, ses capacités, elles se multiplient, خاصة dans la compréhension. C'est pour ça que tu trouves un frère qui a 40 ans. En général, il aura plus de facilité à comprendre qu'un jeune qui a 15, 16, 18 ans. Hada sawadih. Wa hakada al-aql al-muktasab, celui où tu fais des efforts, on a dit où tu peux l'augmenter. Fa hakada kadhalika, avec le temps il va augmenter. On a donné l'exemple de la mémorisation. Qala fa kadhalika al-aql al-muktasab lahu maddatan lin-numu. Maddatu al-ijtima' bil-uqala wal-istifadati min 'uqulihim wa tajaribihim. Et ça, c'est très très important. Et on va faire le lien avec le chapitre précédent. Hada al-ilm, qui est la cause pour être heureux. Cheikh Sa'di rahimahullah, il conclut cette risala avec deux points. Comment faire pour augmenter ton ilm? Vu que c'est la cause du bonheur, tu as des choses qui vont t'aider à augmenter, à te faciliter la voie de ce ilm. Qala maddatul ijtima', le premier point, maddatul ijtima' bil'uqala wal-istifadati min 'uqulihim wa tajaribihim. Premier point, fréquenter al-uqala, al-ulama, talabat al-ilm. En les fréquentant, ça va te permettre de faire plus d'efforts. Limadha li'anna sahib sahib. Al-sahib, il va te tirer. Rubbamanta, tu voulais te reposer, tu voulais faire telle chose, mais vu que tu le fréquentes et il fait des efforts, tu feras ces efforts avec lui. Ça, c'est très très bénéfique. Et l'aks ou bil-aks, le fait de fréquenter un kaslan ou quelqu'un qui n'aime pas l'ilm, ou quelqu'un qui aime beaucoup parler, beaucoup jouer, ça te fera du mal sur ton temps et sur ton ilm. قال طارة بالاقتداء وطارة بمشاورتهم ومباحثتهم. Il a cité des exemples. Et les fréquentations, tu pourras profiter de lui en le prenant comme exemple. Tu vois sa façon de faire, tu vois qu'il reste beaucoup majid, tu le prends comme modèle. Bien sûr, la sincérité. Lakin, il t'aide. Il t'aide et c'est un rappel. Le fait de le voir, ça te rappelle. قال وطالت بمشاوراتهم كذلك en leur demandant des conseils et ça c'est muhim. Ça nous montre que si tu veux avancer fil ilm, demande des conseils, ne fais pas tout seul. خاصةً quelqu'un qui est plus âgé que toi, qui a plus de ilm que toi, qui a plus d'expérience que toi, qui a étudié plus que toi. Probablement il a fait des choses que toi tu fais, c'est des erreurs, il va te montrer. Il va te dire évite hada. Fais comme ça. لماذا لأن il a de l'expérience. قال ومباحثتهم نعم كذلك les recherches qu'ils ont fait إلى آخره فلا شك أنهم يبغون تهدي فكم ترقى الرجل بهذه الحال إلى مراق الفلاح combien de personnes نعم ils ont avancé في العلم بإذن الله عز وجل grâce à ce premier point et fréquenter les savants et les étudiants قال ولهذا كان انزواء الرجل عن الناس يفوته خيرا كثيرا ونفعا جليلا مع ما يحدثه الاعتزال من الخيالات. C'est pour ça que si tu as compris هذا, le fait de s'isoler c'est pas طيب على الاطلاق. Même si tu es entouré que d'ashrar, بعض الناس مثلا ils sont dans un endroit il y a que des kuffar ou que des fasaqa et s'ils fréquentent ils le feront du mal. في هذا الحال il s'isole et il fait du'a ان الله يفتح عليه et il essaye de quitter cet endroit vers un endroit où il y a des hommes pieux. أما s'il y a des hommes pieux et l'insan s'isole, c'est mauvais. Là, tu dois te mélanger avec eux, hatta tu profites. Enfin, le fait de s'isoler, c'est pas quelque chose de bien. Dans tous les cas, là. قَالَ يُحْدِثُهُ الْإِعْتِزَالِ مِنَ الْخَيَالَاتِ صحيح, ça cause des wasawis. Comme مِنَ النَّاسِ, ils se sont isolés, hatta ils sont tombés malades. Force de réfléchir, وَالشَّيْطَانِ يَتَمَكَّنُ مِنْهُمْ enfin, l'insan là, il fréquente. خَاصَةً si une jama'a, il fréquente le masjid, il fréquente les frères. Et on a déjà parlé de la fréquentation, sans dépasser les limites. Sans dépasser les limites. Fréquentation de temps en temps et des choses qui sont profitables. Et s'écarter des ma'asi, inshallah, il y a du khayr. L'anna al-mu'min avec le jama'a, il est qawi. Et le mu'min qui se retrouve tout seul, il est daif. Hada, c'est ma'rouf. قال وسوء الظن بالناس والإعجاب بالنفس الذي يعبر عن نقص الرجل وربما ضر البدن ça peut faire du mal même à son corps le fait de s'isoler et كذلك ça peut faire du mal à son comportement صحيح tu le trouves هذا أن بعض الناس qui s'isolent même s'ils lisent des livres ils écoutent des dourous لكن tellement qu'ils sont isolés ils ont la conception de certaines choses qui est très très loin et pardon ils ont de l'orgueil ils pensent que أنهم ils ont compris et si ce mélange fait le haqiqa tu les trouves ils sont très très loin parce se mélanger au pieux c'est mufid جدا قال فإن مخالطة الناس تفتح أبوابا من المصالح تسليك وتقوي قلبك صحيح ça t'ouvre des choses profitables حتى في الدنيا ربما tu te mélanges tu fais connaissance et tu travailles avec un frère ou tu fais du commerce معه إلى آخره ça t'ouvre les portes de beaucoup de choses لكن on répète tout ça avec des ضوابط s'écarter du haram, taqwa Allah azza wa jal, et at-tawadu', la modestie, le bon comportement. Wa illa, on vient à une époque, on a beaucoup de fréquentations, elles font du mal. L'insan, par rapport bien sûr à des dawabit. Qala wa fi dha'fi al-qalb, dhararun 'ala al-'aql, wa dhararun 'ala al-din, wa dhararun 'ala al-akhlaq, wa dhararun 'ala as-sihha. Na'am. Léana, si les bonnes fréquentations, ça va te renforcer ton cœur, enfin, si tu t'isoles, ton cœur, il va faiblir, et ça te fera du mal. À ta raison, à ton corps, à ton cœur, à ton din, à ton ilm. Et Robama Shaitan, il en profite, et yuwaswislak. Bardhum, à cause de l'isolement, ils sont toujours isolés, ils sont atteints de paranoïa, et ils sont atteints d'orgueil, iyadun billah, enfin, on fait attention à ça. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, assalam wa tawfiq. Qala, وضرر في الصحة وينبغي للإنسان أن يعامل الناس بحسب أحوالهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن خلقه مع الصغير والكبير. Tout ça c'est pour faire une remarque par rapport à ce qu'il a cité précédemment. Et cette fréquentation, tu te comportes aux gens avec les gens plutôt par rapport à leur situation, par rapport à leur niveau. Maintenant, tu auras un comportement avec les vieilles personnes, tu auras un comportement avec les enfants, tu auras un comportement avec tes proches, tu auras un comportement avec les koufars, tu auras un comportement avec le muslimine. Ça, c'est très très important et c'est les doros qu'on a vus ensemble précédemment. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il donnait du temps aux enfants, même si c'était un peu de temps. كما جاء في الحديث أنه quand ils passaient leur pas quand ils passaient devant eux ils leur passaient le salam. Ça c'est طيب. أحيانا نحن في غفلة on passe à des enfants on passe même pas le salam. Alors que ربما ce salam ça va être une chose qui va profiter cet enfant jiddan toute sa vie. Peut-être ça va être la cause qui va aimer din. Va dire انظر. Personne ne nous passe le salam sauf Hada qui va au masjid et qui suit la sunna. Et ربما ça va être une cause أنهم ils vont aimer din. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur donnait du temps. Falihada, quand il a dit à l'enfant, Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. Un enfant qui jouait avec un oiseau, qui avait l'habitude de jouer avec un oiseau, et son oiseau, il est mort. Et l'enfant, il était triste. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a su hada. Et il lui a donné un peu de temps. Même si c'est une minute. Et il a plaisanté avec cet enfant. Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. L'enfant, ça connaît, c'était Abu Umayr. Enfin, Nabi Sallam, il l'a appelé par sa kunya pour lui donner de l'importance et il lui a dit ma fa'ala al-nughayr. Et qu'est-ce qu'il a fait l'oiseau? Et l'oiseau il était mort. Et pour lui montrer, pour le consoler. Ondor, ça a dû prendre combien? Une minute, 30 secondes. Lakin, ça fait partie du bon comportement. Qala Allah Ta'ala khudh al-'afwa ay khudh ma safa lak min akhlaq al-khalq wa da' 'anka ma ta'assara minha. Na'am. خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين خذ العفو أي ما صفى لك من أخلاق الخلق ودع عنك ما تعسر منها صحيح لأن quand tu vas fréquenter tu vas trouver des gens qui ont un bon comportement des gens qui ont un mauvais comportement des choses bien des choses mauvaises enfin t'apprends les bonnes choses et écarte-toi des mauvaises et fais une nasiha et essaye d'aider les autres et fais des efforts fil'im pour pouvoir aider les autres. قال فيجالس أبناء الدنيا بالأدب والمروءة والأكابر بالتوقير والإخوان والأصحاب الانبساط والفقراء بالرحمة والتواضع وأهل العلم والدين بما يليق بفضلهم. انظر إلى سيتان إكزامبل دو شاك. فيجالس أبناء الدنيا بالأدب والمروءة. هذا سنزعيب أحيانا. On doit pas faire l'erreur de certains هجر. أبناء المسلمين tu trouves مثلا certains jeunes من المسلمين أنهم ils ont des ma'asi ils font du sport ils, certains sports haram ils écoutent de la musique ربما بعضهم ils font des choses plus graves et on les هاجر كأنهم ils ont aucun حق ça reste si c'est un musulman ça reste un musulman et même si c'est un kafir on espère أنه il écoute tu lui donnes un peu de temps خاصة هذا ça nous arrive beaucoup avec les anciennes connaissances ربما tu le fréquentais ربما c'était un ami. C'est pas min al-hikmah de couper les ponts alors qui peut accepter le haq. Là, lakin, si tu viens à t'asseoir ma'ahoum un instant, matalan avant d'aller à la mosquée, matalan tu reviens du travail, tu leur passes le salam, fa kama qal bil adab wal muru'a. Là, tu te rabaisses pas comme eux. Et tu les suis dans leur ma'asi. Là, au contraire, c'est toi qui dois avoir le dessus. Une nasiha, un kalam tayyib, walaw salam avec un petit conseil à la tariq. Et tu verras, un nabi, idnillahi azza wa jal, ça les touchera. Qal wal akabir bit tawqir. Ça nous arrive hada avec les vieilles personnes. Ça peut être au masjid, ça peut être dans la rue. Ou là, c'est bit tawqir. Tu vas pas plaisanter avec eux ou leur dire certaines paroles comme tu as dit aux enfants. Là, il faut du respect. Wal ikhwan wal ashab al imbisat. أما tes amis proches من طلبة العلم et tu les fréquentes au masjid فهؤلاء tu auras un autre comportement معهم tu vas leur dire certaines choses que tu dis pas aux autres إلى آخره قال والفقراء بالرحمة والتواضع ربما des pauvres في هذا الحال tu vas leur montrer التواضع la modestie لا تتكبر tu les blesses pas avec certains كلام كذلك الرحمة que ça soit une aide financière ou autre. قال وأهل العلم والدين بما يليق بفضلهم. كذلك quand on s'assoit avec des savants, un comportement on doit avoir. Tu dois pas lui couper la parole, tu dois pas lui poser trop de questions. نعم. Tu dois pas rester assis un long moment. فربما il ose pas te dire أنه il a une chose à faire. Enfin, tout ça, ça fait partie des bons comportements que tu apprendras en étudiant هذا العلم. قال فالصاحب هذا الخلق الجليل تراه مبتهج النفس في حياة طيبة. Tu trouveras هذا الإنسان, ce طالب qui fait des efforts في العلم et qui a ce comportement, أنه c'est une des personnes les plus heureuses. وربما il a pas grand chose من حيث المال niveau argent إلى آخره, لكن il est heureux et il sait أن الله عز وجل il l'a élevé. كما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم فالله سبحانه وتعالى إلّف الإنسان par rapport au علم أو عمل. Les deux points, vous vous rappelez, علم وعمل. قال وأما المادة الثانية. Donc on a fini le premier point qui va nous aider à faire des efforts في العلم. C'est le fait de fréquenter les hommes pieux. من علماء وطلبات العلم إلى آخره. Deuxième point, وأما المادة الثانية للعقل المكتسب فهي الاشتغال بالعلوم النافعة. Faire des efforts. لأن fréquenter c'est une bonne chose, لكن tu dois faire des efforts personnels. Les savants ou les étudiants qui veulent t'aider ne vont pas apprendre à ta place, ils ne vont pas réviser à ta place, ils ne vont pas mémoriser à ta place. Donc faire des efforts, des efforts personnels à la maison, au masjid, quand on est au dars, et s'habituer à que ça soit régulier. Pas faire comme certains, faire beaucoup d'efforts un jour et délaisser une semaine, tu n'avanceras pas. L'ilm, ça demande tous les jours. Voilà aussi, c'est peu, tous les jours. قال فتستفيد بكل قضية رأيا جديدا وعقلا سديدا ولا يزال المشتغل بالعلم يترقى في العلم والعقل والأدب. نعم, livre après livre, درس après درس, assise après assise, tu profiteras بإذن الله عز وجل. Des situations que tu n'as jamais entendues, une mas'ala que tu avais oublié, un sujet qui n'était pas clair, il va être plus clair, inshallah. هكذا العلم. Assise après assise, tu profiteras. قال والعلم يعرفك بالله وكيف الطريق إليه. Et c'est ça le plus important. Anna hadha al-ilm, il va te montrer c'est quoi le chemin que tu dois emprunter pour qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de toi. Le hadith, on l'a cité. Anna al-ilm, c'est la voie qui t'emmène, inshallah, ila al-jannah. Qala yu'arrifuka kayfa tatawassal bil umur al-mubaha ila an taj'alaha ibadatan tuqarribuka ila Allah. Ce point, on l'a déjà cité dans plusieurs durus. Anna hadha al-ilm, et c'est une ni'ma azima, ça va t'aider à changer certaines habitudes en ibad. Famathalan, tout le monde mange. Tout le monde. Al-mu'min, al-kafir, al-alim, al-jahil, tout le monde mange. Lakin anta, tu sauras anna si t'as une bonne niya. Et tu dis bismillah au départ. Et ton but, c'est at-taqawi. Tu te renforces pour adorer Allah, pour faire des efforts fil ilm. Kadalik, tu es reconnaissant. Tu dis alhamdulillah quand tu as fini. Tu as mangé pendant un quart d'heure, 10 minutes, 20 minutes, tu es récompensé. Contrairement au kafir, il mange, il n'a aucune récompense. Ou au rafl. Hakada dormir, tout le monde dort. Al-mu'min, wal-kafir, wal-alim, wal-jahil, l'ignorant, le savant, tout le monde dort. Anta, tu dors et tu as la niya. Anna, tu te reposes pour le lendemain, tu fais des efforts, fi dinik wa dunyak, pour al-halal, pour l'ilm ila akhiri. Tu dors et tahtasib, tu as cette intention, tu dors pendant 5, 6, 7 heures, tu as du ajr. Imagine un tas, si tu dors 7 heures ou 6 heures, 6 heures tu es récompensé. Des hasanat pendant les 6 heures. C'est quoi la différence? C'est l'ilm. Al-Jahil, il ne connaît pas hada. Il n'y pense même pas. Al-Jahil, il mange, il dort, ça devient automatique. C'est quoi qui te permet à ne pas tomber dans cette insouciance? C'est l'ilm. Ça fait partie des fruits du ilm. Qala, wal ilm, yaqoum maqam al-ri'asat wal amwal. Comme minan nas, ils veulent être élevés. Ils font des efforts pour être élevés inda qawmihim. Imma avec une responsabilité, imma par leur argent. Al-ilm, ça t'élevera plus que tout haoula, tous. Aïe, ceux qui font des efforts fi dunya. Tu seras le plus élevé, bi-idhnillahi azza wa jal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utu l'ilma darajat. Et notre but, c'est pas hada, nahnu. Notre but, c'est pas hada. Aïe, d'apprendre l'ilm pour avoir une responsabilité. Na'udu billah, c'est une mauvaise niya. Lakin, si tu fais des efforts fi l'ilm et tu es sincère, Allah, il t'élèvera. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله كان يقول بمعنى كلامي أنه نسبغي que personne ne le connaisse. قال وابدلين بالشهرة. C'était une épreuve pour lui. Il a été éprouvé بالشهرة et tout le monde le connaissait. بالخير. C'était pas ça son but. لكن الله l'a élevé. قال وأما كتب الخرافات والمجون فإنها تحلل الأخلاق وتفسد الأفكار والقلوب بحثها على الاقتداء بأهل الشر وهي تعمل في الإيمان والقلوب عمل النار في الهشيم. Une autre remarque, après avoir cité les bienfaits du ilm et comment étudier bi'ikhtisar ou comment profiter de la science, rahimahullah, il cite une remarque, on a c'est pas toutes les sciences, c'est uloum al-Qur'an wa sunnah qui vont te faire profiter. Amma kutub al-khurafat, kutub al-sufiyya, kutub al-shi'a, les histoires fantastiques dans certains livres. Il a akhiré, Et Ahlul Bida', leur soi-disant science, c'est que du mal. Écarte-toi. Ils n'ont pas profité. Ça serait ilm nafi', ils auraient profité. Les ulama, ils mettent en garde de prendre l'ilm an ha'oula. L'imam dans cette remarque, elle est importante. Les anawadunnas, après cela, Obama, ils vont être motivés. Enfin, ils vont aller sur Internet, ils vont vouloir écouter des dorous. Ou ils vont apprendre qu'il y a une assise dans tel masjid, ils vont vouloir y aller. Ihdhar s'il n'est pas à la sunnah. S'il n'est pas à la sunnah, wallah, reste ignorant, c'est afdal. Reste à la fitra, c'est mieux. Falihada, al-Sheikh, il a précisé certains ulum, même si c'est en apparence du din, ça fait beaucoup de mal. Falihada, on doit faire attention qui on écoute. Quel livre on lit. Quel shir on suit. On doit faire attention. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que l'umma se taftariq ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Et il a informé qu'il y aura des prêcheurs de l'enfer, du'atun ala abwab jahannam, qui vont appeler au nar au nom de l'islam. Fahdhar, fais attention, fais des efforts fi al-Quran al-Karim, fais des efforts fi sunnah et reviens aux savants de la sunnah. Et écarte-toi des personnes que tu ne connais pas ou des gens de la passion. Qala وهي تعمل في الإيمان والقلوب عمل النار في الهشيم. الهشيم c'est tout ce qui est yabis, le bois mort, la paille. فتصور أنت مثلا quand il fait chaud, la sécheresse, les forêts, il y a beaucoup de bois sec. Si tu allumes un feu, ça prend très très vite et des hectares y brûlent et le feu il fait des immenses dégâts. فهكذا si tu prends l'ilm عند هؤلاء, ton cœur il sera brûlé par leur égarement. فاحذر. Fais attention. Notre motivation ne doit pas nous pousser à écouter tout le monde, à rechercher l'ilm عند tout le monde. Abadan. On filtre. On prend l'ilm عند أهل السنة, عند السلفيين. Mais les autres, ils n'ont pas حول العلم. Même si ils ont des ulum, ça ne te fera pas profiter. Les annahum, ils mélangeront le peu d'ilm qu'ils ont avec leur égarement. Fahdhar. Qala, falamma tala an-nasihu li sahibihi hadhihi al-mawadhi' wa barhana 'alayha. Notre risala, en fait, elle n'est pas complète. Il manque quelques lignes, et c'est la fin de la risala. Et vous la trouverez pour compléter al-majmou' de Shir Sa'di, rahimahullah. Ils ont imprimé en une vingtaine de volumes tous les livres de Shir Sa'di, dont cette risala. Et dans al-majmou', le recueil de tous les livres de Shir Sa'di, la fin, elle est citée. فَنَقْرَاهَا مِنْ هَذَا الْمَصْدَرِ. قال فلما تلا النصيح لصاحبه هذه المواضع وبرهن عليها قال له المنصوح. Donc après avoir fini cette nasiha azima, ce conseil pour ce musulman qui était attiré par les kuffar et qui a failli perdre son din iyadan billah, قال له المنصوح, et celui qui a été conseillé reprend la parole à la fin. Enfin, qu'est-ce qu'il va dire? قال والله لقد انجلى عني ما اجد في أول موضوع تلوته علي وانزاح عني الباطل في شرحك الأول. أي il le remercie أنه avec toutes ses nasaih, tous ces chapitres qu'on a lu ensemble, أنه ولله الحمد, il a vu que c'était la vérité. قال وإن مجلسك يا أخي ونصيحتك بهذه الطريقة النافعة تعدل عندي الدنيا وما عليها. Ça nous montre que certains ils ont du khayr. Même s'ils font des péchés, quand ils sont conseillés, ils acceptent le khayr. Fandur hada, il a accepté. Et il a reconnu que sa nasiha, elle a été très profitable pour lui. Qala ta'dilu indi dunya wa ma'aliha. Et c'est mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et sahih. Ce bas monde et ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il va lui donner s'il meurt? Rien. Rien. Ben, ce bas monde, il va disparaître. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما cette nasiha, si la met en application, elle lui sera utile في الدنيا dans sa tombe يوم القيامة. انتبه قوله ونصيحتك بهذا الطريق بهذه الطريقة. أنه il a reconnu que le conseil de cette manière il a été bénéfique. Ça nous montre que le conseil est une façon, une méthode. On mélange pas tout. قال فاحمد الله أولا حيث قيدك لي. أو قال فأحمد الله أولا حيث قيدك لي وأشكرك شكرا كثيرا حيث وفيت بحق الصحبة ولم تصنع ما يصنعه أهل العقول الذين إذا رأوا من أصحابهم ما يسوءهم قطعوا عنهم حبل الوداد في الحال. De ce passage tu retires plusieurs choses. أولا, le fait qu'il a été guidé, il a été accepté, c'est بفضل الله. فلهذا قال فأحمد الله أولا. Et هكذا نحن, Si tu as été guidé ou tu as accepté le conseil, Alhamdulillah, c'est Allah qui t'a facilité. Et kadhalik, on n'oublie pas shukr, celui qui a été la cause. Jaa fil hadith, la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les personnes, il n'est pas reconnaissant envers Allah. Falihadha qala wa ashkuruk shukran kathiran. Et nahnu, on retire de cela, si quelqu'un t'a fait un khayr, khasatan fil ilm, khasatan fil din, fa ashkur. On n'oublie pas le khayr comme certains. On n'oublie pas le ma'aruf comme certains. Certains, ils oublient très vite le khayr. Et celui qui oublie le khayr, en général, il se fait du mal. Qala, wa lam tasna' ma yasna'u ahlu al-uqul alladhina idha ra'u min ashabihim ma yasu'uhum qata'u anhum habl al-widad fil hal. Et ça, c'est un point important, on l'a cité dans le dos. Annahu, il a apprécié, annahu, il ne l'a pas laissé tomber. Comme certains, qala, et sahih, certains, rubama, une connaissance, un ami. Et il est dans une période délicate. Maintenant, il ne vient plus au masjid où il fait certains péchés. Et il le hajar, comme s'il ne l'a jamais connu. Là, انظر هذا. أنه il ne l'a pas laissé, il l'a conseillé. Et ça a été la cause, أنه il revient à la tariq. فنحن هكذا. On n'oublie pas le khayr. N'oublie pas أنك avant d'étudier هذا العلم, tu étais ignorant. N'oublie pas avant d'aller au masjid, tu n'y allais pas. N'oublie pas avant de t'accrocher à la sunnah, tu ne connaissais pas la sunnah. فهكذا هؤلاء. Peut-être que ce temps que tu as eu besoin, lui aussi il a besoin de ce temps. Enfin, nous, ce khayr qu'on vit, walillahi alhamd, on doit essayer de le partager aux autres. Qala, wa'anu ash-shaytan alayhim, fazdadu bidhalika ash-shar alayhim, wada'a baynahum at-tafahum. Sahih. Annahum, ils les ont laissés seuls. Et ash-shaytan, il en a profité et ils se sont égarés. Enfin, haqiqa, on a une responsabilité. On doit montrer et on doit aider les autres. Bien sûr, avec des dawabit aussi, des points à préciser qu'on a déjà détaillé kathiran. قال وإني لأنسى جميل معروفك حيث رأيتني سادرا في المهام مغرورا بنفسي معجبا برأيي فرأيتني بعيني ما أنا فيه وأوقفتني بحكمتك على الهلاك الذي وقعت فيه. نعم il est reconnaissant. Annahu, il a aidé à voir ses propres défauts. Et il lui a montré la gravité de sa situation avec un kalam jamil, avec la douceur. Qala fal'an astaghfirullah mimma madha wa atubu ilayh wa as'aluhu al-i'anat ala suluk mardatih. À la fin de la risala, na'am, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tawba. Et le fait qu'il était attiré par les kuffars, il a akhiri wa afza' ilayh an yakhtima bis salihat a'mali. وأحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا فإنه مولى النعم ودافع النقم غزير الجود والكرم انتهى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. نعم فرسالة جميلة. الشيخ سعدي رحمه الله il a écrit, on répète cette risala sous forme d'un dialogue entre واحد qui conseille et واحد qui se fait conseiller. Et là chacun a هذا صحيح. Ça arrive souvent. Un frère musulman il conseille son autre frère et son autre frère il accepte et il est reconnaissant. Fa alhamdulillah. Risalatun jamila. Et للأسف elle est méconnue. Elle est méconnue une كثير من إخواننا. Fa on essaye de la propager. Alhamdulillah. Dikum Allah astahbalakum. Si vous voulez rajouter hada, fa na si واحد ها photocopie le frère. Et vous le rajoutez à la fin de la risale. Naktafi bihada walhamdulillah.